le tatouage de ta voix en est un pan déchiré, l'empreinte de tes doigts sur mon corps consumé, la gifle de ton souffle sur mon visage embrumé, le sillage de tes cheveux sur mon épaule lacérée. L'acide de tes yeux sur ma vie s'est posé. Il ne reste qu'un squelette dans un champ dévasté. Belle dame, qu'as-tu fait de mon âme? Un champ de bataille dont mon corps est le drame. La vision de ton charme m'a fait perdre toute notion de ce qui est, ce qui n'est pas. Autre monde sans loi, sans moi. Dans un dédale de toi, il n'y a plus rien qui me parle. Je n'ai plus assez la foi pour espérer sortir de là. Pour espérer sortir de là. L'acide de tes yeux sur ma vie s'est posé. Il ne reste qu'un squelette dans un champ dévasté. Belle dame, qu'as-tu fait de mon âme? Un champ de bataille où la mort je réclame. Je suis